touch a deep one for the end zone. Palin is down there. Oh, he got it! He got it! He got it! Bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières, bienvenue à l'Inconduite de partie, une émission qui chaque semaine vous parle de sport professionnel amateur d'un peu partout à travers la planète. Monsieur Doucet, comment ça va ce matin? Ça va très bien ce matin. Ça va très bien, ouais. Tu n'es pas trop mouillé? Non, j'ai trouvé un stationnement tout près. Ouh! Ouais, en fait, j'ai forcé quelqu'un à s'enlever. Ok, ouais. Les prises d'otage. C'était ton char d'ailleurs. Non, moi je suis venu... À pied? Non. En vélo? Non. En métro? Non. En autobus? J'ai managé mes affaires pour que ma copine vienne me porter un matin. Ah! Un gars prévoyant. Oui. Hey, on a quand même une grosse émission cette semaine, je te dirais. Quand même. On va parler des Pats, comme d'habitude. On va parler, toi, tu nous parles de soccer de partout à travers la planète? À peu près partout. Il y a des endroits que je vais pas, là, mais... Ouais, hein. C'est à peu près partout. Tu... Bon, en fait, non, c'est pas du tout partout. Non, c'est ça. Dans le fond, toi, tu y vas avec la place où l'information est facilement accessible. Exactement. Moi, comme un ancien collègue, Wikipédia, c'est la source. La source Wikipédia. Pierre-Luc Giroux va nous parler d'hockey junior majeur. On va avoir Jonathan Tabernier qui va nous parler du camp d'entraînement du Canadien qui se continue, les premiers matchs et les coupures chez les joueurs. On va avoir JP Grenier qui va nous parler football, le football canadien, football américain de la NCAA. Et on va recevoir en onde Gabriel Lavallée qui va nous venir nous parler de XMF 3, l'événement de combat ultime qui va prendre place cette fin de semaine à la bâtisse industrielle ici à Trois-Rivières, à côté du Colisée. Donc, allons-y, écoute, on va commencer ça avec les Patriotes, vois-tu, comme d'habitude, on y va. Donc, chez les Patriotes cette semaine, au soccer. Tu sais, Phil, le soccer chez les hommes, ça va bien cette année, là, disons-le. Ça a mal parti, mais... Une mauvaise... Ouais, un mauvais match à 7-0 contre Laval, mais il faut dire que c'est Laval. Puis, oui. Depuis... C'est parti. Écoute, McGill disputait une très bonne saison aussi. Se tenait dans le haut du classement du côté de McGill. On avait, avant le match de cette fin de semaine, 2 victoires, 2 défaites. Donc, une fiche de 500. Devine quoi, les Patriots l'ont emporté par la marque de 2 à 1 cette fin de semaine au stade Percival Molson. Génial. C'est la première fois depuis 2001, si je ne me trompe pas, que les Patriots l'emportent au stade Percival Molson. Les buts chez les Pats, c'est Jason Boisvert et c'est aussi Robin Manceau. Donc, hey, écoute... C'est partagé, hein? Ben, c'est partagé. C'est jamais vraiment le même gars qui marque le but, ça, c'est intéressant. Je suis pas mal sûr que Pierre Clermont est content de la chose. Ben, je comprends ça, écoute, de voir que c'est pas juste le même, de voir aussi, bon, dans les filets, Vincent Guécoté, un seul but d'accordé, 7 arrêts, une bonne moyenne de son côté. Pour McGill, c'est Johan Capolengo qui est venu faire le seul but. Donc, écoute, après ce match-là, les Pats se retrouvent... très, très bien placé au classement. 3e position, 2 victoires, 1 défaite, 2 nuls, un total de 8 points. On est à 2 points de Montréal. Tu m'aurais dit au début de la saison qu'on serait à 2 points de Montréal. T'aurais ri de moi. Je ris de ta face, sans aucun doute. Je le ferai pas, en effet. Ben non, t'as pas raison, tu l'as même pas dit. Ben non, mais là, je suis en train de m'attirer du mérite. Là. Donc, à l'arrière des pattes, on retrouve Lucam qui a 7 points, très chaud. On sait que c'est les 4 premières positions qui vont accéder au classement, aux séries éliminatoires. Ouais. Au 5e rang, McGill. Bon, écoute, McGill a 7 points. 6 points plutôt, excusez, à 2 points des Patriots. La saison est encore jeune. On joue à peu près 11-12 matchs du côté des Pats. C'est loin d'être fini. Ça va prendre des performances encore très, très bonnes. En fin de semaine, Concordia, ça devrait aller. Concordia sont derniers dans la Ligue. Aucune victoire, 0 point. Moins 15 au niveau de leur différentiel. Mais dimanche, ça sera pas facile. Les Patriots reçoivent ici au Caps, Laval. La revanche. Mais la revanche, écoute, là, c'est juste de sauver la face, là, comme on dit. Là, Non, mais ça serait bien ici, devant nos partisans. T'sais, une performance, ouais. Quand même. Planter la balle. Non, mais je ne demande même pas une victoire. Non, mais. Une nulle, je serais très heureux. Oui. Parce que Laval, premier au classement, je ne l'ai pas dit, mais Laval, premier au classement, avec une fiche de 6 victoires, aucune défaite, aucune nulle. Sais-tu comment ils ont accordé de buts cette année, Laval, en 6 matchs? Je vais y aller au pif, là, pour 3. 2. Non, c'est sacrifice. Ouais, je le sais. Non. Écoute, c'était question pour un champion et tu t'es planté. Eh oui. Donc, seulement 2 buts d'accorder, c'est une très grosse tâche qui s'offre pour les Pats masculines. Du côté féminin, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile, encore une fois, cette année. Une autre fin de semaine, plus qu'en dents de scie, là, en dents de... En dents flat, en dents liguines, ouais. Un peu, là. Ouais. C'est tout petit. En dents de... Tu sais, une scie à métal. Voilà. Et qu'on est dedans ce matin. Donc, les Pats affrontaient, tout comme les hommes, McGill. Une défaite de 5-0 au stade Percival Molson. Dans la défaite, dans le fond, la défaite est à l'affiche de Isabelle Sénécal qui a accordé les 5 buts. Et dimanche, les Pats affrontaient Bishops. Écoute, là, on espérait quelque chose. Ouais. On espérait un but. Oui, parce que Bishops, historiquement, sont pas très, très fortes. Les Lady Gators, écoute, qui ont jamais été reconnus pour leurs équipes de soccer, c'est beaucoup plus leurs équipes de rugby, mm-hmm. Où est-ce qu'elles s'illustrent. On le sait à Bishop, le rugby vraiment dans la culture anglophone. On a vu ça, ça l'a paru. Au soccer, ben écoute, là, on espérait au moins un but, sinon un résultat probable, aller chercher les premiers points de la saison. Ce n'est pas été le cas. Les Lady Gators qui l'ont emporté par la marque de 2-0 contre nos Pats. La défaite va encore à l'affiche de Isabelle Sénécal, qui, écoute, fait de son mieux, là, honnêtement. Il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. Le coach, Ghislain Tapsoba, on dirait qu'il est pas capable de faire prendre la chimie entre les filles, parce que pourtant, pour être allé voir le match lors du tailgate, les filles sont pas mauvaises individuellement. Il y a un bon talent, il y a une possibilité de. Mais c'est le jeu collectif qui y va pas. On a des ingrédients, mais le gâteau lève pas. Exactement. La ligne défensive n'est pas une ligne défensive. Puis tu sais, on sait qu'au soccer, si ta ligne défensive n'est pas parfaitement synchronisée, tu vas t'en faire passer un autre. Là. Exactement. Écoute, les Pats, donc, après cette fin de semaine, toujours 100 victoires, 0 victoire, 6 défaites dans la saison. Toujours pas de but d'accorder non plus. Marqué. Oui, accordé, ça, il y en a. Merci. Ça, ouais. Différentiel de moins 20. Je te remercie, Philippe. En fin de semaine, les équipes vont affronter Concordia. Écoute, Concordia, on peut espérer quelque chose. Ils sont 7e dans la ligue avec une fiche de 1 nul, 5 défaites. Leur seul nul aux mains de Bishops. Bishops, bon, qui ont une fiche de 1 victoire, 4 défaites, 1 nul, 4 points. On peut espérer quelque chose. C'est probablement la meilleure chance qu'ont les filles de surprendre cette année, aller chercher les premiers points. Sinon, ben écoute, ça va se continuer pour cette année difficile chez les filles. Hey, je te parle golf. Vas-y donc. On sait que c'était le deuxième tournoi de la fin de semaine, de la saison plutôt, chez les Patriotes au golf. Ils étaient au club Le Victorien de Mirabel pour disputer le tournoi. Chez les équipes, écoute, les Patriotes terminent au classement là, des équipes. On regarde les meilleurs scores, tout dépendant. Là. On termine au troisième rang avec une fiche de plus 60. On est à 16 coups de l'UDM et 8 coups d'avance sur Sherbrooke. Classement général chez les hommes. Les Pats sont présentement 4e plutôt, ce qui n'est pas mauvais. On est à peu près à une vingtaine de coups, là, je ne sais plus par cœur, mais une vingtaine de coups de l'Université de Sherbrooke. Les trois meilleures équipes vont faire le championnat national. Il reste un tournoi, 3 rondes, qui va être disputé la semaine prochaine. C'est pas fait. Ça regarde quand même bien du côté des hommes. C'est faisable, disons-le. Les meilleurs ont été Frédéric Sirois avec une fiche de plus 8. Et on peut parler aussi de la fiche de Marc-Antoine Durand avec plus 15. Du côté individuel, Alexandre Gadouri, c'est vraiment une bonne fiche. Plus 10, très appréciable comme résultat. Pour rejoindre l'équipe carrément d'ici la semaine prochaine. Chez les femmes, maintenant, on le sait, les femmes étaient 3e position après le premier tournoi. Ils ont continué à travailler là-dessus. Ils ont fini encore 3e cette semaine avec une fiche de plus 93. Laval et Montréal, à peu près irrejoignables. Ça va être très difficile à faire. Mais on a consolidé notre avance. 3 dernières rondes cette semaine. Ça regarde bien pour les femmes pour faire le championnat national, pour participer au championnat national. La semaine prochaine, je pense que c'est au printemps prochain, le championnat national. Donc, les meilleurs ont été Sophie Desjardins chez de l'UQTR avec un plus 27 et Stéphanie Monette avec un plus 34. Je te parle maintenant, écoute, de hockey. On va y aller avec le hockey des gars. Ils disputaient deux matchs la fin de semaine dernière contre les X-Men de Acadia. Ça s'est terminé par des pointages de 4-3 et 5-1 pour Acadia. 4-3, 5-1 pour les Pats. On peut dire, bon, écoute, c'est des choses. On essaie des combinaisons du côté de l'équipe. C'est pas des matchs qui veulent nécessairement dire. Par contre, mercredi, on affrontait les Stingers de Concordia. Dernier match de la pré-saison. Ça s'est terminé par la marque de 5-3 pour les Patriotes. Et donc, les buts, Olivier Donovan en première période. Deuxième but, on le reçoit ce matin en plus, J.S. Breton qui a fait dévier ça d'une manière... avec le patin. t'as-tu de quoi dire sur ton but, J.S.? non, c'est correct. C'est correct, écoute, troisième but, un travail acharné devant le filet. C'est Dave Nolin, un petit nouveau de cette année, qui devrait jouer un rôle... sur le quatrième, troisième trio, tout dépendant où est-ce qu'il se place cette année au niveau de l'équipe, mais qui pourrait être un joueur de soutien. Par contre, je te dirais, la marque finale, 5-3, on a manqué un peu de concentration à la fin chez les Pats. Ouais, c'était 5-1. Hein? C'était 5-1, ça s'est terminé 5-3. Tu sais, des petites erreurs défensives. Ça n'a pas été le meilleur match défensif du côté des Pats, mais bon, on essaie des choses. De toute façon, tu sais, contre Concordia, c'est jamais facile de se motiver. D'ailleurs, là, je voulais en parler. Je sais que j'en ai parlé à JS la semaine passée. Il y a dans Chasse-Galerie un gros tuyau d'aération qui passe, puis un collant des Stingers de Concordia qui est dessus, et ça me fait royalement suer. Là, faut faire de quoi. Fait que là, appel à tous, là, si vous êtes capable de faire la courte échelle, puis aller m'arracher ça de là. Non, je vais faire une offre, un appel d'offre. Ouais, ben vas-y, ton appel d'offre. Écoute, on va faire venir une firme spécialisée avec un plafond lift. Ok. Je veux que ce soit fait de façon sécuritaire. Okay. Ça prend des harnais puis pour tout le monde. Ton budget est évalué à. Ben écoute, t'as quoi, chez toi? J'ai à peu près 4 piastres. Bon, OK. Ben, moi, j'ai un coupon rabais chez un restaurant de la région. Donc, okay. Je pense qu'on peut s'arranger pour quelque chose. D'après moi, c'est fait. Là. Ça doit être en train de se faire. On est de même, hein? Tu sais, des gars qui... Efficace business. Ouais. C'est nous autres. L'entrepreneuriat. On peut bien étudier en cas, mais pas en autre chose. Mets ça dans ta pipe, est-ce que? Ouais, est-ce que dans ta face. Alors, on va aller écouter les commentaires de l'entraîneur Jacques Laporte après ce premier match contre. Ce dernier match, plutôt pré-saison, contre Concordia. Oui, ben oui, c'était à peu près ce qu'on leur rappelait avant un match, puis surtout après la première période en disant, regarde, on va essayer de focusser sur notre équipe à nous autres, de s'en tenir à ce que nous autres on veut faire pour être sûr que notre préparation va être correcte. C'est la dernière chance qu'on a de le faire, donc faisons-le pour qu'on arrive prêt pour vendredi prochain. Mais tu sais, il y a des choses qui tournaient bien, d'autres choses qui tournaient mal. Tu sais, on a fait des erreurs défensives, pas à outrance, mais disons, pas belle à voir. Quel genre d'équipe tu penses que tu vas avoir? Là? Ça va être quand même assez rapide. Des soirs, là, ça va voler, ça adapte. C'est sûr. Il va falloir utiliser ça. Ça va être notre marque de commerce, là, la vitesse, l'exécution de jeu. C'est pas une équipe qui va être excessivement physique, sauf qu'à la défense, on est capable de se débrouiller de cet aspect-là. À l'attaque, il y a des joueurs qui sont quand même capables de prendre leur place. Là, on va penser au Demers, au Bellefleur, au Jeff Desjardins qui va apporter cette dimension-là. Mais on a aussi, à l'inverse, beaucoup de petits joueurs. La Roche, même physiquement, il va être un joueur qui va s'imposer. Puis là, les trois derniers matchs, il a compté un but aussi en plus. Donc, il prend sa place tranquillement. Il y a des joueurs comme ça. Ça va être diversifié. C'est sûr, c'est pas unidimensionnel là, où on a juste des joueurs pareils. On a des joueurs de variés. Alors, comme dit Jacques, et c'est un très bon point dans ce qu'il dit, on a beaucoup de joueurs variés cette année. Je trouve qu'un gars comme Marc-André Laroche va apporter beaucoup à l'équipe. Le type de gars qui manque aux Pats depuis des années et des années, un gars avec des bonnes épaules, capable d'en mettre une dedans de temps en temps, mais capable d'aller chercher de jouer un bon jeu défensif. Sur le troisième trio, va faire des super bonnes choses. J'ai très hâte de voir ça. Alors, on le reçoit maintenant en studio, malgré qu'il a dit quelques mots tantôt. Jean-Sébastien Breton, comment ça va, monsieur Breton? Ça va très bien, vous? Et oui, le centre par excellence, disons-le, le gars avec le plus d'efficacité chez les Patriotes au niveau des mises au jeu. Oui, on va attendre un petit peu. Alexandre Demers revient en jeu sous peu. Oui, oui, non, mais on t'a vu aller l'an passé. L'année passée contre les Suédois. Là, t'es rapide sur la gâchette. Ouais. J'ai vu une couple de sacres suédois se faire dire sur le face-off parce que tu volais tout. Tu sacres suédois, Nick? Ben oui. Ah, couramment? Couramment. Écoute, mon cours de suédois, fallait sa paye un jour. Mm-hmm. Ta polyvalence encore qui se fait remarquer. Ben, écoute, du talent, c'est du talent. Alors, GS, parle-nous un peu. Qu'est-ce que tu penses de l'équipe, là? Tout ce qui s'est joint, c'est sûr qu'il y a de bonheur dans la saison, mais comment tu vois ça? De quel œil tu vois ça? Ben moi, je considère que les nouveaux venus, ils ont beaucoup d'énergie, comme tu parlais de Marc-André Laroche. C'est un gars qui amène beaucoup d'énergie, Dave Nolin. Je pense que ça va vraiment bien compléter nos trios. C'est sûr qu'à l'attaque, les deux premières lignes sont quand même dures à pénétrer, si on peut dire le terme de même. Quoique Jeff Desjardins, qui est une recrue qui joue sur les deux premiers trios, je pense que c'est une équipe, on pourrait dire complète. Oui, on a perdu des gros morceaux l'année passée. Je parle d'André Joannis. Il est dur à remplacer, un gros bonhomme qui donne des bonnes mises en échec. Mais comparativement à lui, on peut rajouter Robichaud qui est blessé présentement, quand même un gros bonhomme. On va le voir, il pratique, mais on va le voir dans à peu près, je ne sais pas exactement, une couple de semaines. Deux, trois semaines environ qu'on m'a dit. Le retour aussi à la défense de Max Fréchette, lui qui a pas joué l'an dernier à la défense, on l'a employé à l'attaque, mais qui écoute lorsqu'il a été repêché par le Lightning de Tampa Bay ou sénateur de... Non, Blue Jackets de Columbus était un défenseur, puis écoute, c'est ça, c'est sa première position, ça va vous aider, ça. Ben oui, c'est un des gars drafté, repêché dans la Ligue nationale, à titre de défenseur. L'année passée, il jouait sur le quatrième, troisième trio. On voulait qu'il donne des mises en échec. Je le cite, « Donne-moi 8 games, Brett, et ce gars-là ne serait pas relevé. » Oui, c'est une machine à frapper. Il manque un peu de timing, justement, parce qu'il y a une saison complète qu'il n'a pas joué à sa position. Mais il est capable de donner des très bons coups d'épaule. Il est très solide défensivement. Il est capable d'amener des bons tirs au filet. Je pense que c'est un gros morceau défensivement cette année, puis il prend bien ses responsabilités. Faut dire aussi que Max n'a pas joué l'an dernier à l'automne. Il a joué un petit peu chez les professionnels, mais avant de revenir au Québec pour s'aligner, il s'est joint avec l'équipe Noël. Ouais. À Noël. Donc déjà, tu as perdu un peu ta force, ta façon de jouer. Tu joues à l'attaque. Moi aussi, j'ai remarqué qu'il manquait peut-être une ou deux secondes des fois sur tel jeu pour Fréchette, mais toi, tu dis que ce sera pas long, ça va être revenu dans... Oui, moi, j'ai aucune plainte à lui, à son égard. OK, d'accord. Au niveau de l'équipe, pour le reste, votre objectif cette année, on y va match par match ou moi, en tant qu'individu, c'est sûr que tu y vas match par match. Tu peux pas voir trop loin, faut que tu te concentres au moment présent. Mais c'est définitivement de boire dans une canisse au championnat canadien. OK. Et non de se rendre. OK, de se rendre, c'est ça. L'étape de plus que l'année passée. Et puis voilà. Là, je vais te poser la question cruciale. Ça prend quoi, battre McGill? Hein? fait quand même trois fois qu'on se fait sortir. Exactement, ça fait quand même trois années. J'entends ma quatrième année. Ça fait trois ans qu'on peut pas aller à la Coupe Queen, qui est la Coupe de la OUA. La OUA. À cause que McGill nous sort en playoff en deux. En deux matchs, on ne gagne même pas une game, une partie. Puis pourtant, dans la saison contre McGill, ça va quand même assez bien. D'habitude, c'est 50%. Si seulement je le savais, okay. Je pourrais t'en dire davantage. Mais je pense que l'arrivée, comme j'ai dit plus tôt, des nouveaux venus qui connaissent peut-être pas la rivalité, qui amènent beaucoup d'énergie, ça va peut-être faire un changement dans la partie. Nous, on le sait, c'est sûr que le Gamois, une quatrième année, Demers, quatrième année, Bellefleur, quatrième année, on le sait qu'on se fait trois ans qu'on se fait sortir, donc on a peut-être une faiblesse mentale, si je pourrais dire ça comme ça. Mais faudrait juste comme mettre ça de côté, les haïr comme on déjà qu'on les haïr juste un petit peu plus, puis reste à voir si on peut gagner. Là. Moi, je pense qu'il ne devrait pas avoir de problème. Oh, la confiance. Ben, il faut être confiant aussi, hein, parce que quand ça fait trois fois qu'ils te sortent... Mais là, un moment donné, j'imagine qu'on commence à être tanné un petit peu. Oui. Justement, c'est le 14, c'est contre eux, je crois bien. Oui, exactement, le fameux happening patriote, c'est-à-dire qu'on force tout le monde à l'école à aller au match. C'est localisé. Ouais. Cette année, je pense pas mal tous les matchs où sont localisés. Je pense qu'on a trois parties au... Au Colisée Mont-Grain. Oui. Bon, pour les gens qui ne sont pas trop Trois-Rivières, Claude Mongrain, arena d'environ 300-400 personnes qui tombent en ruine. Qui dégoûte du plafond. Sport universitaire est en effervescence. Mais c'est pas un sport universitaire, le problème. Là. C'est l'aréna, là. Ouais, non. mais que t'as pas de glace pour ton sport universitaire, c'est un peu... Ben, écoute, il fait longtemps que plusieurs vont dire ça prend un aréna sur le campus. Mais c'est pas prêt d'être fait. Puis écoute, c'est difficile d'avoir du stationnement présentement. J'imagine pas. du stationnement. Je sais pas de quoi tu parles. Mais tu sais, c'est les choses que les gens font sur le gazon. Oui, entre deux arbres. Entre deux arbres. Et, ah non, j'ai vu tellement partout. Tu sors par ta valise. Oui. OK, critique sociale présentement contre l'université un petit peu, mais tu sais, t'as plus d'étudiants, ça serait bon qu'il y ait plus de parking, c'est logique. Donc, ouais, plus de logements aussi. Plus de logements. Comme dans le parking. Oui, plus de logements dans le parking. Quand t'as pas beaucoup de parking, qu'est-ce que tu fais? Tu construis des logements dans le parking. Non, ceci étant dit, comment ça a été les matchs pré-saison, Jess? Les Maritimes, c'est des matchs pré-saison. On s'entend, des Maritimes, c'est quand même du bon calibre. Moi, je trouve ça décevant que. J'aurais aimé ça jouer une saison complète contre des équipes de ce type-là, parce qu'on s'entend qu'au championnat canadien, c'est des grosses équipes, c'est des gros bonhommes, ça frappe, ça va vite. Ça serait peut-être plus compétitif pour nous. Je dis pas que, bon, c'est pas notre style de jeu. Cette année, on est moins gros aussi. Fait que de se faire frapper là-bas, ben, c'est une autre mentalité. Fait que je pense que c'est. On a bien aimé le projet. Bref. On n'a pas gagné grand match. On a gagné une partie sur trois la semaine passée. Ça reste des matchs en concours aussi. Oui, c'est des matchs préparatoires, c'est nos premières parties. On s'en fait pas avec ça, on n'est pas stressé. On essaie des trucs comme tu as mentionné plus tôt. On essaie des nouveaux trios, ça l'a changé beaucoup. Mais je pense qu'en général, ça l'a bien été. On a bien conclu avec une victoire de 5-1. Quand même une victoire assez définitive. Puis on est revenu confiant. Puis on a gagné la dernière partie. Je pense qu'on est bien lancé pour commencer la saison. Pardon. Toi, on défait pas le trio Breton, Bellavance Martin et Charlin qui ont brûlé la ligue l'an dernier? Pas pour l'instant, mais je pourrais peut-être avancer que le retour d'Alexandre Demers pourrait changer les choses. Mais je peux pas rien avancer présentement. C'est sûr qu'on a une bonne saison. Dans les matchs préparatoires, je te dirais qu'on n'a pas brûlé les parties. Donc, ça reste à nous de stepper up, si je peux me permettre l'anglicisme, et de retrouver notre chimie. Oui, de retrouver ce qui faisait... Votre force l'an dernier. Ouais. Parce que là, ce qui arrive, c'est que, disons, là, le petit Olivier Donovan, il pousse. Je le regardais jouer mercredi. Non seulement ça, mais il s'est pogné contre Jesse Goodsell, qui mesure 6 pieds 3, qui pèse à peu près deux fois le poids d'Olivier, qui est 5 et 7, à peu près 140 livres tout mouillé. Hey, c'est ma shape, ça. Ouais, c'est ta shape. Non, toi, t'es plus petit. Donc, c'est ça. Mais le gars, il est très intéressant au niveau de sa taille, très intéressant au niveau de ce qu'il est capable de faire. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce qui va arriver quand Alexandre va revenir? Je vais peut-être changer. changer de trio. Je ne sais pas. J'avoue qu'Olivier a un très bon début de saison. Ça va très bien. Il est constant. Il fait des belles passes. Il voit bien le jeu. Moi, je suis juste content pour lui. Moi, ça me fait plaisir de voir que, comme on dit, moi, les quatrièmes années, que la jeunesse, ça pousse de même. C'est juste un point positif pour l'équipe. Je peux pas prédire qu'est-ce qui va arriver. C'est sûr que c'est le fun parce que les centres des deux premiers trios ils ont de la pression. Donc, ça donne tout le temps de la compétition interne dans l'équipe, ce qui fait qu'on repousse nos limites. Je peux pas vraiment prédire ce qui va arriver, mais je suis content, moi, personnellement. Ça va juste me faire travailler plus fort. Ben, c'est bon, ça. Hey, on te remercie beaucoup d'être passé, JS. On va vous souhaiter bonne chance pour la saison. Ça débute le 8 contre l'Université Nipissing, qui est à North Bay. Donc, un bon voyage. Question d'apprendre à vous connaître dans l'autobus. jouer aux cartes, puis améliorer vos talents de bridgeur. C'est dans le temps de l'année qu'on fait un pool d'hockey. Oh, vous devriez, c'est le fun. Ben oui. Et pendant que j'ai le temps, j'aimerais juste remercier les 86 étudiants qui étaient là à la dernière partie. Vous le savez tous, les étudiants, c'est gratuit pour vous. On a remarqué ça dans les estrades. Je sais qu'il y avait un groupe d'étudiants étrangers, je pense des Français. Oui, je les ai vus passer. Cool, oui, donc on vous remercie beaucoup. On adore ça, voir votre présence. Le sentiment d'appartenance que ça crée dans les estrades, pour nous, ça n'a pas de mots, c'est indescriptible. Donc merci beaucoup et n'hésitez pas à venir aux prochaines parties. Ben attends, merci beaucoup. On s'en va en musique, on s'en va écouter les Vulgaires Machins. Au retour, Jonathan Bernier va nous parler du camp d'entraînement du Canadien. Vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Pourtant, la pression, ils ont la volonté du jeu. insultent. Ils insultent toute l'équipe! Mais Dave était là. Dave, c'est une terreur. Ouais, ouais. Dave, c'est un tueur. Dave, il est magané. Le conduit de partie. Magnifique! C'est fou, ça. À Mexico. 89.1. À Mexico. Sur le net, au cfou.ca. À Mexico et Pemos. Les bains me disent ce que vous faites là. Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? Le conduit de partie. Vous êtes de retour à l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Se joint maintenant avec nous Jonathan Bernier de rufrontenac.com. Ça va bien, Jonathan? Oui, ça va bien, toi? Ben oui, ben oui. Écoute, Jonathan, tu vas nous parler du début, de la suite et plutôt de la fin, disons-le. Là, il n'en reste pas plus longtemps. Hein? Ben là, il nous reste une semaine, finalement, là, avant le premier match de la saison du Canadien. Commence à être fébrile un peu? On commence, là. on commence aussi à regarder un peu ce qui va s'installer où dans les trous disponibles. Là. Ça commence un peu à prendre forme tranquillement, pas vite, là, d'autant plus que lundi, il y a eu la grosse coupe là, avec 22 joueurs retranchés. Donc, à partir de ce moment-là, on a un peu été en mesure de voir un peu plus là, où Jacques Martin s'en allait. Donc, parmi les joueurs retranchés, là, ceux qui ont impressionné le plus, là, c'est évidemment Louis Leblanc et Jared Tinordy. J'en ai parlé un peu la semaine dernière. Oui. Ben, Leblanc continue d'impressionner dans les deux matchs sur concours auxquels il a participé. Apparu de plus en plus à l'aise, toujours en mesure d'alimenter ses alliés, puis s'implique autant défensivement qu'offensivement. Ça, c'est un peu des fois les choix de première ronde, là, surtout ceux qui sont axés sur l'attaque, là, c'est un petit peu plus difficile là, sur les replis défensifs, ce qui semble pas être son cas. Donc là, ça va avec le junior de Montréal. Pouvoir le voir à l'attaque, pas à l'attaque, mais à l'œuvre ici dans la région de Mauricie puis du centre du Québec. Exact. Donc, ça, c'est à pas manquer. Je sais que Sean Couturier, je pense qu'il était dans votre coin hier. Oui, il était dans notre coin à Shawinigan. Et pour être franc, il n'a pas eu une super game. Ça n'a pas été son meilleur match. Il a été blanchi de l'affiche de pointage. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'y avait pas de jambes. J'étais là à la game, là, j'ai tout vu. Il n'y avait pas de jambes, mais écoute, c'est un gars avec du talent à revendre. C'est un gros gars. Il est massif, écoute, devant le filet, il laisse pas sa place. Mais non, malheureusement, contre Shawinigan, et c'est peut-être la raison pourquoi ça s'est seulement terminé 3-2 en faveur des Voltigeurs. OK. Ben, en tout cas, donc, Sean Couturier et Louis Leblanc seront sans doute là les deux têtes d'affiche du circuit junior québécois cette saison. Et puis, donc, c'est ça, il s'en va jouer avec le junior sous les ordres de Pascal Vincent. Et selon Jacques Martin, le jouer pour Pascal Vincent et dans la cour du Canadien, ça va être une bonne chose là, pour le jeune homme. Je pense on peut l'écouter. Extrêmement mature. C'est un jeune que j'aime de la façon qu'il est sur la rondelle, qu'il a un bon coup de patte. Il doit continuer à s'améliorer. Puis je suis sûr qu'il joue pour une bonne équipe, une bonne organisation, un bon entraîneur. Donc, ça va lui aider à continuer sa progression comme joueur. Mais je pense que c'est encourageant pour l'organisation. Je parlais avec un de mes collègues cette semaine. Oui. Lui disait que. Pour Louis Leblanc, lui, il pense que ça aurait été mieux qu'il ait joué à Chicoutimi parce qu'il appartenait au Saguenay. Ouais, en effet. Moi, je n'étais pas tout à fait d'accord parce que lui, il disait, en allant jouer à Chicoutimi, en jouant à Montréal, c'est-à-dire, là, il va être sous les feux de la rampe encore, puis il va avoir de la pression, puis ça va peut-être l'étouffer. Mais moi, je voyais ça justement d'un bon œil qui évolue tout de suite sous la pression. Je me disais que probablement, tu sais, il va pouvoir s'habituer à ça. Puis quand il va arriver avec le Canadien, bien, il va être habitué de. D'être sous les feux de la rampe et d'être épié par tout le monde. Donc peut-être ça va être une adaptation. Ben, c'est un couteau à deux tranchants. Oui, mais moi j'ai l'impression que ça va être une adaptation moins difficile quand il va arriver en haut. C'est habitué à la ville aussi. Là. Il va être déjà à Montréal. Les groupies, puis la vie. Ben, disons, là, c'est pas facile jouer au hockey à Montréal. Tu te fais reconnaître à tous les deux coins de rue quand t'es un joueur du Canadien. Imagine si ça t'arrive quand t'es un joueur junior majeur. Surtout qu'on mise beaucoup sur lui pour relancer un peu le junior. Oui, tout à fait. Je peux comprendre, mais au moins, il y aura ça de fait dans son bagage d'expérience mm-hmm. là, quand il arrivera en haut. D'un autre côté, bon, ça, c'est le joueur qui m'a qui est à surveiller pour les prochaines saisons, qui m'a impressionné. À l'inverse, là, j'étais assez déçu d'Alexander Raftin, un autre joueur qui appartient aux juniors, mais qui a clairement dit qu'il voulait pas... Non, pas question pour lui. Pas question. Lui, c'est le Canadien, les Bulldogs, où il retourne en Russie. Bon, j'ai été déçu dans le sens où ce gars-là a joué quand même 30 matchs l'an dernier avec le Dynamo de Moscou de la KHL. Il était âgé de 18 ans à l'époque, donc il a joué avec des hommes, il était capable de faire relativement bien sa place. Jacques Martin l'a pas utilisé du tout dans les matchs hors concours. On l'a vu dans les matchs intra-équipe qui s'impliquaient peu dans la circulation, tournant en rond un peu. Tu sais, souvent, ce qui fait le succès, là, c'est des stop and go. Tu sais, il faut que tu arrêtes, puis tu prends ton homme, puis tu le colles un peu sur la bande. Et lui, il tournait plus en rond ou devant le porteur de la rondelle. Donc, c'est plus facile de le contrer. Jonathan, penses-tu que c'est une question de s'habituer au style de jeu nord-américain ou le problème? Ben, le problème, écoute, c'est sûr que c'est tôt dans sa carrière pour dire ça, mais le problème est ailleurs. Ben, le problème, en fait, là, moi, je parlais de Louis Leblanc qui s'impliquait autant défensivement qu'offensivement. Ben, lui, c'est un peu, je pense, le problème des joueurs européens quand lorsqu'ils sont élevés à jouer offensivement puis qu'ils sont très habiles. Donc, le travail en zone, en territoire défensif est plus déficient un peu. Pourtant, Jacques Martin, lui, assure qu'il a aimé ce qu'il a vu d'Alexander Afsin, puis en conférence de presse, il nous a expliqué un peu pourquoi il n'avait pas fait jouer. Il y avait une raison bien précise. Avec Alexander, on aime ce qu'on a. Il a participé au camp des recrues. On sait qu'il y a eu une blessure pendant plusieurs temps, disons, durant l'été, qu'il a bien traité. Ça l'a retardé un peu. Puis, vu que c'est un jeune de 19 ans, il était assigné à Hamilton. Il va avoir l'opportunité de jouer lors de cette semaine. À Terre-Neuve. Donc, c'est un jeune joueur qui promet beaucoup pour l'organisation. Puis, on est encouragé par, premièrement, de la façon qu'il améliore son anglais, puis le genre de personne qui laisse son engagement à sa carrière. Moi, j'ai de la misère un peu à acheter la raison, là, l'histoire de la blessure. Ben, je sais pas si tu peux nous rafraîchir la mémoire. On parlait, il me semble, c'est une blessure au poignet. C'est blessure au poignet que subi à la fin de la saison passée ou au cours de l'été. Tu sais, Jacques nous dit qu'il est complètement rétabli. Alors, s'il est complètement rétabli, il aurait pu quand même lui donner peut-être au moins un match juste pour qu'on puisse voir ce que ça vaut. Voir ce que ça vaut, exactement. Donc, moi, je pense qu'il y a il était peut-être pas aussi satisfait là, qu'il l'a dit en conférence de presse. C'est l'opinion que tu as. À part de ça, les jeunes, qu'est-ce que tu as vu d'autre que tu trouves intéressant dans ceux qui sont restés et dans peut-être ceux que tu aurais aimé voir rester? Ben, en fait, moi, un autre qui m'a impressionné, puis j'ai l'impression que ça se peut qu'il reste à Montréal, c'est Ryan White. Mm-hmm. Ryan White qui, écoute, là, ce jeune-là... Passé bien proche du taux du chapeau à la Gordie Howe. Oui, c'est quoi? Un but, une bataille, puis... Une passe, c'est ça. Écoute, moi, je pense qu'il n'y a pas le choix de donner la chance à Ryan White. C'est un jeune de 22 ans. On a pu le voir, ça va dans les coins, provoque des revirements, il n'y a pas froid aux yeux. C'est le genre de joueur, là, c'est le grinder modèle. Là. Mm-hmm. C'est lui, justement, là, qui s'implique physiquement, puis qui, quand les joueurs dorment un peu sur le banc, là, qui est capable de réactiver tout ça, je pense que c'est peut-être le rôle qu'on devrait lui donner. Parce que là, à l'attaque, là, faut pas se cacher, là, on est, en fait, en tout, il reste 28 joueurs. Là, si on exclut les trois blessés, là, Sanford, Russell et puis Hunter Bishop, donc il nous reste 28 joueurs, puis à l'attaque, il y en a 16. Donc, il y en a trois de trop. Alors, je considère que Lars Eller a gagné son poste. Ouais. Tu le vois où, Lars Eller, justement? Lui, il jouait en Europe, il jouait dans... Non, je veux dire... Oui, excuse-moi. Il jouait... il a joué à l'aile. OK. Il a joué au centre aussi. Il est plus à l'aise au centre. Sauf mais là, Jacques Martin d'essayer un peu partout, puis je pense que ça a bien été dans l'ensemble. Puis le fait qu'il peut jouer justement aux trois positions, ça lui a donné des points. T'sais, il y a une grosse congestion au centre présentement avec le Canadien, donc le fait qu'il puisse jouer à gauche ou à droite, là, je pense que ça lui donne son poste sur les deux premiers trios. C'est un message assez direct à Benoît Pouliot, ça. Ben écoute... C'est fait, là, d'après toi, c'est fait, là. Il descend, là. Ben moi, il descend... Descend de trio, ouais, descend trio plutôt. Oui, moi, je pense qu'il va descendre de trio. Je pense que Castitine va avoir l'autre poste sur le premier ou le deuxième trio offensif, là, celui qui restait à combler. Parce que c'est ça, là, c'est même, je dirais, par défaut quasiment, là, parce que Pouliot, disons, n'a pas répondu du tout à l'appel. Moi, il me fait penser un peu, je le compare au... tu sais, au Goliath, là, à la ronde, là. Ouais. Je sais pas où tu t'en vas, mais vas-y. Il monte puis il descend. Ben, il monte puis il descend, mais ouais. Quand il descend, ça descend vite, pas mal. Donc, il va avoir une spirale de temps en temps, mais ça s'arrête là, là. Exactement. T'sais, il nous fait un petit whoop là, quand il se met de la partie, là, mais c'est plutôt rare. Donc, c'est ça. Fait que je pense que Pouliot va descendre de trio, peut-être sur le troisième ou quatrième. Donc, fait que là, ben aussi, je reviens là, un peu à mes jeunes. Là, moi, j'élimine Maxwell tout de suite. OK. C'est fini, Maxwell. Pardon? C'est fini, pas mal pour Maxwell. Ben là, écoute, c'est rendu, je pense, à son quatrième camp d'entraînement. Ça se teigne un peu. Là, je reviens encore à la congestion au centre. C'est un joueur de centre qui, lui, n'est pas capable de jouer à l'aile. De toute façon, il n'est pas assez physique pour jouer à l'aile. Donc, ça, je pense que ça va lui coûter son poste à Montréal et peut-être même son avenir à Montréal. D'après moi, son futur est ailleurs. Mm. Fait que là, il nous reste quand même deux joueurs de surplus, là, si j'élimine Maxwell. Puis je pense que ça va se jouer entre Mathieu Darche, Max Pacioretty puis Ryan White. Ça regarde pas très bien pour Mathieu Darche. Non, ça regarde pas très bien pour Mathieu Darche parce que, selon moi, c'est lui qui est le plus facile à tasser. Oui, il a signé un contrat à un volet, mais c'est 500 000 $. C'était 500 000 $ dans la Ligue américaine. Ça fait moins mal qu'un million ou quoi, 5-6 millions pour Sheldon Surrey? Oui, ça fait moins mal qu'un Sheldon Surrey ou qu'un Wade Redden. Oui, en effet. Donc, deux gars qui ont tellement descendu par rapport à ce que leur valeur était là, à peu près 5 ans, là, ou 4 ans. C'est deux gars qui dépendaient de l'autre défenseur avec eux autres pour connaître du succès. Il y a ça aussi. Donc, c'est ça, une chute aux enfers assez vertigineuse dans le cas de ces deux gars-là. En tout cas, c'est ça. Moi, je pense que c'est Darche qui va écoper, malheureusement. À moins que Jacques dise que Max Pacioretty, s'il joue pas sur les deux premiers trios, il serait peut-être mieux à Hamilton. Oui, aussi, c'est vrai. Il y a ça qui pourrait jouer en faveur de Mathieu Darche. De le retourner à Hamilton, le temps justement que Benoît Pouliot peut-être soit libéré. D'après moi, là, si ça s'améliore pas dans son cas, j'ai bien l'impression qu'il va s'en aller avant la mi-saison. Là. Oh. Donc, c'est ça. Je ne suis pas sûr qu'il va rester longtemps à Montréal. Fait que Pacioretty pourrait avoir une chance de remonter à ce moment-là. Fait que ça, c'est pour les attaquants. Fait qu'il nous reste les défenseurs. Là. Les défenseurs, là, avec les blessures à Merlick et Markov, ça rouvre un peu de poste pour le début de la saison, quoique les deux hommes devraient revenir là, dans les quelques premières semaines de la saison. Ça va se jouer entre Picard, Alex Henry et puis Yannick Weber. Moi, dans les trois, le premier que je retrancherais, c'est Yannick Weber. Moi, j'ai pas impressionné par le Suisse. Non, j'ai trouvé qu'il y a eu un camp assez difficile. Gagne très rarement les bagarres le long des rampes. Tu sais, il y a deux ans, on le comparait à... On disait lui que c'est le futur Mark Stride. Mais on évite la comparaison à Montréal, hein? Ouais, on évite souvent. Puis des fois, on se fait jouer... des bons tours. On est déçus. Mais lui, c'est ça, sa grosse force, c'était son lancer sur l'avantage numérique. C'est pour ça un peu qu'on le classait dans la lignée des Surrey à l'époque, Mark Streit. Puis j'ai trouvé dans le camp d'entraînement que son tir avait perdu pas mal de vélocité. Puis c'est ce qui était sa marque de commerce. Donc quand tu perds ce qu'il vend, là, ben, habituellement, tu fais pas long feu. D'après moi, il a connu un seul bon match, puis c'est contre la Floride. Il avait l'air d'être plus solide, plus confiant à ses moyens, puis il se présentait plus dans l'enclave, lors de l'avantage numérique. Il y a eu même une couple de chances de marquer. Mais mis à part cette rencontre-là, là, ça m'a laissé un peu sur mon appétit. Donc, fait qu'il nous reste Alex Henry puis Alexandre Picard. Moi, je pense qu'Henry pourrait rester pour les deux, trois premiers matchs, étant donné... Bon, ce qu'il apporte à l'équipe au niveau de la robustesse. On commence aussi contre Toronto. Ben, c'est exactement la raison. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il va rester. On a vu dans les matchs en concours, le Toronto, surtout contre Ottawa, là, il y a eu quelques matchs assez tough, disons. Donc, c'est sûr qu'un gros défenseur en arrière, ça ferait pas de tort. Cependant, je pense que Alexandre Picard, dans la liste de Jacques Martin, peut-être en avant d'Henry. La preuve, c'est que pratiquement chaque rencontre qu'il a joué depuis le début du camp d'entraînement, il a été utilisé pendant à peu près entre 20 et 25 minutes. Là. Souvent, il était le défenseur le plus utilisé. Donc, ça veut dire que Jacques Martin l'utilisait en power play, en désavantage numérique, en force égale. Donc, il l'utilisait à toutes les sauces. Ça veut dire que, selon lui, c'est un gars qui peut lui servir là, dans toutes les situations. Donc, tu penses que Ryan O'Byrne a sa place assurée à Montréal? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il va rester. Je pense qu'il mérite quand même. Il a fait des beaux efforts. J'ai l'impression qu'il plafonne un peu. Ça sera jamais un grand défenseur, mais comme 5e défenseur, avec un contrat qui est quand même acceptable. Mais son poste va être en jeu à tous les camps d'entraînement. Ah, c'est ça. Son poste va être en jeu à tous les camps d'entraînement et son poste va être en jeu à tous les matchs aussi. Ça pourrait, on l'a vu l'année passée, il a passé quelques matchs dans les gradins. Puis d'après moi, c'est ce qui va se passer encore cette année. Lui, ce qui est à son avantage, c'est que c'est un des seuls défenseurs de Wattie de l'équipe. Ça a l'air de rien comme ça, là, mais c'est un élément assez important. On pourrait en parler à Yaroslav Pachek. Donc, ça fait un peu pic-pic là, quand il joue du côté inverse. Là. Donc, quand ça va vite dans la Ligue nationale, là, ça te prend un gars qui est habitué de jouer de son bon côté. Puis, c'est ce qui permet à O'Byrne de rester dans le grand club. En terminant, Jonathan, peux-tu nous parler de l'horaire à venir des Canadiens pour la fin de semaine? Ben oui. Donc, il reste un match en concours. C'est demain à Québec. Après la marche bleue. Après la marche bleue, je vais être là, je vais être à marche bleue. Oh. Je vais être au match en soirée contre les Islanders. Et puis ensuite, Canadien a congé dimanche. Quitte après la rencontre pour Clermont dans Charlevoix, mais va avoir une journée de congé dimanche avant de compléter son camp d'entraînement, là, 3 jours dans Charlevoix. Et on quitte mercredi soir pour être prêt jeudi pour le début de la saison à Toronto. Ben, je te remercie beaucoup, Jonathan. Ben, ça fait plaisir. Bon, semaine, tu nous parles de tout ça la semaine prochaine? Oui, monsieur. C'est bon. Alors, on s'en va en musique. On va aller écouter Silver Sun Pickups avec la chanson Padding Switch. Vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Bonjour, je suis Michael Bournival, vous écoutez l'inconduite de partie. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur C'est fou pour nous joindre en studio. C'est le live à commercial inconduitedepartie.com. Vous voulez lire nos textes, visiter, réécouter l'émission ou écouter des émissions que vous avez manquées, c'est le www.inconduitedepartie.com. On parle maintenant de hockey junior. Philippe, peux-tu nous parler de ce qui s'est passé un petit peu cette semaine? Écoute, je vais te faire ça en rafale. Vas-y. À partir du 24 septembre qui était samedi dernier. Oui, aux alentours sonne de bien, ça. Là. Ça sonne bien, ça, samedi. Et vendredi dernier. Vendredi dernier, donc date de notre dernière émission. Exactement. On y va avec les résultats. Le du Prince-Édouard qui a battu Cap-Breton 2-1. Batters a battu Lewiston 3-1. Un bon match entre Val-d'Or et Victo. Ça s'est terminé 6-5 en faveur de Val-d'Or. Un excellent match. Le junior de Montréal qui a battu Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, 4-1. Ensuite, Moncton contre Bécomo, 7-5. C'est aussi un festival offensif, la pétarade. Chicoutimi contre Halifax, 3-1. Chicoutimi, Drummondville a battu Gatineau, 8-3. Et Shawinigan s'est incliné 5-4 devant Rimouski. Également, le vendredi dernier, un massacre. Québec qui a battu Rouen, 12-2. On sait que Rouen n'auront pas une grosse année, là, de toute façon. Non, mais je me demande justement à quel point tu continues de fesser dedans. Tu sais, à 8-1, là. Ouais, mais t'as fini, là. Tu sais, c'est quoi, là? T'as déjà planté. Tu sais, quand ça passe à travers les goalers. Ben oui, c'est ça. Samedi 25 septembre, Montréal battait Val-d'Or 6-2. Donc, une autre victoire pour Montréal. Chicoutimi s'incline devant Moncton 5-4. 3-1 Rouen contre Victo. 3-1 Île-du-Prince-Édouard contre Cap-Breton dans un match qui devait être assez humide. Dans le fond, pour les Maritimes. Non, mais on se souvient qu'ils ont vécu une certaine certain ouragan. Bon, ouais, mais lien s'est fait tardivement. C'était pas au même Saint-Jean, ça. C'était au Newfoundland. Oui, mais le Prince-Édouard, c'est tout près. Non, arrête, tu peux pas si proche que ça. Arrête, c'est dans le même... En même région. Je pense que tu déblatères des choses. Pas du tout. Je ne déblatère jamais. Hey. D'ailleurs, on n'écoute pas la même émission. D'ailleurs, Drummondville contre Saint-Jean, 7-6. Eux autres étaient dans l'ouragan. T'as fini, là? Lewiston 2-1 contre Batters. Non, c'est pas le même Saint-Jean, c'est Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Mais oui, mais que ce soit à Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick, c'est et du Prince-Édouard, quand l'ouragan passe puis que nous autres, on a de la pluie, jamais je créerais qu'ils en ont pas. Toronto, c'est-tu proche de Montréal? Ben, c'est pas si loin. Mais... Québec 4-1 contre Halifax, c'est Lewiston 2-1 contre Batters. C'est 26 septembre, dimanche, Shawinigan battait Gatineau 6-4 et Rimouski a rincé Halifax 9-2. Lundi 27 septembre, aucune partie au calendrier, ainsi que mardi 28 septembre, Moncton a battu Cap-Breton 2-0, Rouen a battu Lewiston 5-4, le mercredi dernier, Drummondville a battu Shawi 3-2, et c'est hier. Oui. Drummondville contre Shawi 3-2. Ben, et tu étais là? J'étais là à la partie. Écoute, on va en parler de cette fameuse partie. Donc, c'est déroulé hier soir au Centre Bien-Est entre les deux équipes. On sait que les Voltigeurs présentaient une fiche de 6-0, plutôt 6-0 depuis le début de la saison. On parle d'un des meilleurs débuts de saison de tous les temps des Voltigeurs. Quelque chose qu'on s'attendait pas forcément. Là, tu m'aurais dit au début de la saison, Voltigeurs allait se tenir proche du sommet du classement, puis je l'aurais pas cru. Tu m'aurais dit qu'il serait premier au classement, je l'aurais cru encore moins. Donc, dans ce match, on attendait quand même de quoi de robuste. On le sait, les Voltigeurs et les Cataractes, essayaient autant que chien et chat, ou au Bénit et Diable. Ouais, vampires. Ouais. On va y aller avec les vampires, ouais, Twilight. Ou Cataractes et Voltigeurs. Ah, Cataractes et Voltigeurs, j'aime ça comme comparaison. Ça, non. Parce qu'un Voltigeur qui a des Cataractes, ça... OK, c'est bon. Pas bien. Donc, après une première période où c'était 0-0, tout simplement, c'est Drummondville qui ont ouvert la marque en deuxième période. Lars Lundin qui a fait son premier de la saison. C'était suivi d'un but de Marc-Olivier Vachon, son quatrième. Vachon, un joueur de 20 ans qui joue très bien du côté de Drummondville. J'aime sa compatibilité. C'est pas pour rien qu'il est capitaine non plus. Ça paraît. Donc, bonne performance de sa part hier. Et on est venu réduire la marque du côté des Cataractes. C'est Marc-Antoine Goyette qui a fait le défenseur, qui a fait son premier de la saison. Les aides à Slobin et Schlumpf. En troisième période, bon, écoute, c'est 2-1, on espère, du côté des Cataractes. Mais c'est pas facile au niveau des lancers au but. On parle, écoute, après la première période, c'était... 10-6 les lancers. En deuxième période, 16-5 les lancers du côté de Drummondville. et en troisième, 19. Donc, ça s'est resserré un petit peu avec Shawinigan en troisième période. Mais disons-le, comme Éric Veilleux disait, on a joué seulement une période du côté des Cataractes. Oui, puis quand t'affrontes Drummond, une période, c'est pas assez. Quand même, à 3-2, tu veux... Bon, ils s'en sont pas si mal sortis. Tu peux voir ça d'un bon côté. Ben, parce que ça. Justement, ils ont joué juste une période. C'est fini. Le problème, écoute, c'est que c'était 2-1 en début de troisième. À 15 minutes 19 de la troisième, c'est Nicolas Dionne du côté de Drummondville qui fait la marque 3-1. Et Maximilien Lossière à 17-30 vient mettre la marque 3-2. On espère, on pousse. On a manqué de temps du côté des Cataractes. On commence à jouer trop tard. Et c'est ce qui fait qu'ils se sont inclinés par la marque de 3-2 devant 2827 personnes au centre Bienness qui, disons-le, était sous la mouille hier. Quelques batailles aussi durant la partie, dont un excellent entre Raphaël Pouliot et Andrew Randazzo. On va aller écouter les commentaires de l'entraîneur Éric Veilleux suivant cette partie. Les vétérans, Éric, t'es-tu content de la façon dont ils ont sorti? Ce matin, Dave Labrick disait dans le journal que c'était à eux à montrer le chemin aux plus jeunes à amener cette hargne-là. Es-tu satisfait de la façon dont ils l'ont fait? Non, pas tant que ça, honnêtement. C'est une bonne question. Là. Tu veux gagner des gros matchs, il faut que tes gros morceaux soient meilleurs que les autres de l'autre côté. Malgré oui, Couturier était blanchi, sauf que à un moment donné, il faut t'en compte des buts aussi. C'est pas juste de contrer l'adversaire, c'est capable de contrer puis d'être capable de produire toi aussi. Puis aujourd'hui, nos meilleurs joueurs n'ont pas connu leur meilleure soirée. Donc, c'était un Éric Veilleux pas très heureux de la performance de son équipe, comme on s'en doute. De l'autre côté, écoute, Mario Duhamel, l'entraîneur des Voltigeurs, écoute, un gars qui se doit d'être heureux après le début de saison de son équipe, qui sont maintenant 7-0. On parle du meilleur début de saison de tous les temps du côté de Drummondville, quelque chose que, comme je disais tantôt, on ne s'y serait pas attendu. Donc, allons écouter ce qu'il avait à dire après la partie. Premier au Canada, toujours sans défaite. C'est-tu le genre de performance qu'on s'attendait au début de l'équipe? Écoute, performance au niveau des victoires, définitivement non. Performance au niveau de l'aspect collectif. Je pense qu'on a beaucoup de leadership dans l'équipe, beaucoup de vétérans qui ont vécu des belles choses les deux dernières saisons puis qui veulent transmettre ça aux plus jeunes, puis ils font très bien. C'est ils font un très bon pont entre le coaching staff et les jeunes qui retransmettent les bonnes valeurs, donc on est très satisfait de ce côté-là. Puis justement, ils ont amené les jeunes avec eux, puis l'équipe fait qu'un, puis c'est comme j'ai dit tantôt, c'est un concept d'équipe, puis c'est là-dessus qu'on prime. Est-ce qu'on s'attend, comme je t'ai dit, avoir autant de points après cette match? Définitivement non. Puis je le répète encore, il faut continuer à être patient parce qu'on sait très bien qu'on va les connaître des moments plus difficiles dans la saison. Mais il faut se rappeler qu'est-ce qui fait notre succès, concept d'équipe, de travailler en équipe, puis d'être acharné à chaque chiffre. Donc, Mario Duhamel qui, écoute, je pense qu'il y a les bonnes. Il sait ce que ça prend pour gagner, puis c'est ce qu'il essaie d'inculquer à son équipe. Disons-le, Duhamel qui n'avait pas la tâche facile, succéder à Guy Boucher, ce qui n'était pas quelque chose de très facile. Plusieurs disaient, ben oui, mais il l'a eu facile, il a marché dans le système de Guy Boucher, puis c'est l'équipe de Guy Boucher qui a hérité, disons-le, l'an dernier. Mais écoute, avec le début de saison des Voltigeurs, c'est assez évident que monsieur s'est coaché. Au niveau des classements, dans la division TELUS Ouest, les Voltigeurs, bon, bien sûr, premier avec une récolte de 14 points en 7 matchs. C'est suivi par le Junior de Montréal qui a 8 points. Ils sont déjà très loin. Avec un match en main, par contre, qui avec 8 points. Les Cataractes suivent en 3e position avec 7 points. Dans la TELUS Est, c'est les Remparts qui sont premiers, suivis des Saguenay et de l'Océanique. Et dans les Maritimes, les Wildcats, l'équipe qui s'est rendue à la Coupe Memorial de l'an dernier, son premier avec une fiche de 11 points et 10 points pour le Titan de la Cathy Batters, qui enfin, le Titan connaît une bonne saison. Du moins, c'est commencé comme ça. Les étoiles de la semaine, TELUS, c'est la première étoile est à Alain Saunier. La deuxième étoile de Moncton, je sais pas si c'est son frère, là, mais c'est quand même pas mal similaire. Alex Saunier de Moncton aussi. Et la troisième étoile, à Sean Couturier de Drummondville. Couturier qui a été tenu en échec hier, aucun point du côté des Voltigeurs. Et le gardien de but de la semaine, c'est M. Louis Domingue de Québec. Donc, on va aller à une pause. Au retour, tu nous parles soccer, foot, mon Phil. Je suis vrai. Et c'est parfait. Vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Cette année, prenez le sentier de la victoire. Faites l'expérience de l'excellence. 3 buts en 31 secondes. Vivez les Patriotes de l'UQTR. Mercredi 29 septembre, 19h, les Patriotes hockey affrontent Concordia au Colisée de Trois-Rivières. Dimanche 3 octobre, les Patriotes soccer affrontent le Rouge et Or au CAPS de l'UQTR. Féminin 13h, masculin 15h. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. UQTR.ca/patriotes. C'est fou ça. 89.1. Toi, qui es-tu? Dean Portman. D'où viens-tu? De Chicago, Illinois. Toi, Guy Germain. D'où es-tu? Saint Paul, Minnesota. Toi, Jesse Hall de Minneapolis, Minnesota. Qui es-tu? College Charm, Saint-Pie. Luis Mendoza, Miami, Floride. Philippe Doucet, Saint-Cuthbert. Fountain Lead, Stillwater, Minnesota. Ouais. Qui es-tu? Pierre-Luc Giroux, Québec. Charlie Conway, Minneapolis, Minnesota. Ken Wu, San Francisco, Californie. Philippe Granier, Saint-Hyacinthe. Et je suis Gordon Bombay, Minneapolis, Minnesota. Le conduit de partie. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Si vous voulez nous contacter, c'est le www.inconduitdepartie.com et le live à commercial inconduitdepartie.com. Philippe, il est présentement 10h13. Parle-nous de soccer international. On commence ça avec la première ligue anglaise où dimanche dernier, samedi dernier, 25 septembre, Manchester City battait Chelsea. Première défaite de Chelsea en Barclays League. Et aux mains de Manchester City, d'ailleurs, si tu te souviens bien, la semaine dernière, oui, tu parlais du owner, du propriétaire de Manchester City. Je te voyais venir, là. Écoute, j'ai été me renseigner. C'est le Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan qui est propriétaire de Manchester City depuis quelques années déjà. Écoute, oui. Qui leur a vraiment donné qui a ouvert la bourse. La fortune personnelle de la famille est évaluée à 1 trillion, donc 555 milliards de dollars. C'est bon prêt étudiant, ça? Oui. C'est ton prêt, d'ailleurs. Moi, c'est mes bourses. différence cognitive prévaut. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? J'ai décidé de travailler, moi. Si tu veux qu'on fasse. Donc, ensuite, Birmingham contre Wigan Athletic, un match qui s'avérait palpitant, s'est terminé 0-0. Blackburn a battu Blackpool 2-1. Et Liverpool-Sunderland, un match nul également de 2-2. Dimanche, le 26, Manchester United a fait un match nul contre Bolton. Donc, une belle victoire, en fait, pour Bolton. Bon, ouais, ça, on veut le dire comme ça. Qui soutire un point à Manchester United. Aston Villa a battu les Wolves 2-1, alors que Stoke City battait Newcastle également par la marque de 2-1. Au niveau du classement, ben Chelsea toujours en tête, mais avec une fiche qui malheureusement n'est plus parfaite. Manchester United deuxième avec 12 points, Arsenal et Manchester City en troisième et quatrième position avec 11 points. Ensuite, si on se téléporte jusqu'à en fin de semaine, c'est ce qui va nous amener au match du week-end. C'est Wigan contre les Wanderers. Samedi, le 2 octobre, Birmingham affronte Everton, Stoke City contre Blackburn, Manchester United contre Sunderland, un match qui devrait quand même être assez intéressant. Sunderland qui est au milieu du classement, pas très loin derrière Manchester United. D'ailleurs, si Sunderland l'emporte, il remonte au cinquième ou sixième. Là, on a combien de matchs de disputés du côté de la Premiership? On a 6 matchs de disputés du côté de la Premiership et toutes les équipes ont joué leurs 6 matchs. Donc, ça commence à se démarquer un peu, mais il reste quand même un peloton assez intéressant là, à pas très loin de la tête. Donc, quelque chose qui va amener une belle course là, au milieu de la saison. Aston Villa rencontre Tottenham, West Brom affronte les Wanderers et Fulham contre West Ham United. Ensuite, dimanche, c'est Manchester City contre Newcastle. Également, un match qui devrait être pas mauvais parce que Newcastle est à seulement 4 points derrière Manchester City, donc pourrait les rattraper. Liverpool affronte Blackpool. Et le match du week-end, Chelsea affronte Arsenal. Arsenal qui pourrait dépasser Manchester United, advenant évidemment une défaite de Manchester United et une victoire d'Arsenal. Ensuite, on se transporte dans la Ligue des Champions. Ligue des Champions, samedi dernier, 28, c'est mardi ça? Mardi dernier, Spartak Moscou qui battait Zelina 3-0. Bayern qui a battu le Basel 2-1. Arsenal a battu le Partizan 3-1. L'AS Roma a battu Cluj 2-1. Shakhtar Donetsk, dans un beau match de Shakhtar, a battu le Braga 3-0. Real Madrid, petite victoire de 1-0 contre Auxerre. On se serait attendu à une victoire plus convaincante, mais quand même 1-0, c'est déjà ça. Ajax contre Milan font match nul 1-1. Et Chelsea bat l'OM 2-0. Un match qui, je suis persuadé, a fait de la peine à mon ami Borel. Ouh! Oui, qui ouais. est un fier partisan de l'OM. Bon, chacun ses défauts. Rubin, le lendemain, Rubin, Barcelone. Belle victoire de Rubin, en fait, parce qu'a fait match nul contre le FC Barcelone 1-1. Ensuite, l'Inter de Milan qui a battu Bremen 4-0. Je dois d'ailleurs remercier ma copine qui m'a ramené un chandail de l'Inter Milan de son party de soccer la semaine dernière. Ah, elle est allée en Angleterre? Non, mais elle y va. Elle y va bientôt. Ah. Ouais. C'est son projet de voyage pour l'année prochaine. C'est donc palpitant quand tu me parles c'est de ta copine. C'est fantastique quand je parle de ma copine. Manchester United bat Valence 1-0. Kobovan bat Panathinaikos, que j'adore dire ça, 2-0. Donc, je vais le répéter pour être certain que tout le monde a compris. Kobovan bat le Panathinaikos 2-0. Les Rangers ont battu Bursaspor 1-0. Tel Aviv s'effondre devant Lyon 3-1. Schalke bat Benfica 2-0. Et Tottenham plante Twente 4-1. On en parlait la semaine dernière. L'Impact est assuré d'une place en série. Oui. Donc, bon match. Match qui mettait la table à une éventuelle possibilité de se rencontrer face à Vancouver. Les Whitecaps et l'Impact, on sait qu'ils ne s'aiment pas du tout. Un match qui a été sous le signe de la robustesse vendredi dernier. Où plusieurs cartons ont été donnés. Adam Brass s'est fait déchirer le pad. Ouais, c'est ça. C'était quand même assez violent, mais il faut dire que, bon, j'aime beaucoup Adam Brass, mais il l'avait un petit peu cherché, narguant l'adversaire là, de à sa façon qui lui est propre. Mais on sait quel genre de joueur aussi Adam Brass c'est. Là, Adam Brass est un joueur très, très robuste, très physique, qui aime beaucoup le contact. Et puis, justement, après la petite altercation qui a suivi ce geste, on a vu Ribeiro se fâcher après un joueur. Et par la suite, Ribeiro et ce même joueur ont été pour un combat pour un ballon. Et Ribeiro l'a pris de la tête tout en prenant soin d'assommer le joueur de Vancouver. Une clé de tête? Non, pas nécessairement une clé de tête. Plus un coude bien placé à l'occiput. Là. Mais pas une super bombe? Non. Il n'y a pas eu de descente du genou ni rien après. Okay. Par contre, ça s'est rapidement... ça a rapidement escaladé en bataille, disons-le comme ça. Parce qu'une bataille au soccer, ça arrive relativement rarement. Donc, petite taloche échangée de part et d'autre. Et Ribeiro qui s'en est sorti avec un carton. D'accord. Ça a poursuivi un peu plus loin un autre carton qui a été décerné à un joueur de Vancouver alors qu'Ali Gerba s'est fait faucher alors qu'il était seul en échappé. Mais l'arbitre a décidé que... Non, ça n'était pas ça. Non, il ne se passera rien. Donc, demain, Ligue anglaise, Sunderland contre Manchester United à RDS, 9h55, en reprise mardi, le 5 octobre à minuit. C'est tout pour les matchs de cette semaine à RDS. Mais je te remercie beaucoup, mais ça me fait Philippe. Plaisir. On s'en va à la musique, on s'en va écouter Ariel avec la chanson. Et la chanson, tout va très bien. Donc, tout va très bien ce matin pour moi, Philippe. Tout va très bien pour toi, Nicolas. Aucune idée de ce que je vais te dire. M'attoune. C'est moi, je m'attoune. Hein? Ah. Nettoyer mes mains, fonce à l'état qui fait la dame. Oh. Le 16e. Oh, attention! Birdie! Incroyable! Renversant, superbe! C'est un, dans son cas, là, c'est un 5e consécutif. Un 7e pour l'équipe. Incroyable. Le conduit de partie. Regardez sa réaction. Il n'en revient pas. Alors, on va maintenant parler football avec JP Grenier. Ça va bien, mon JP? Salut les boys, oui, ça va bien. Salut JP. Ça va bien. Hey JP, écoute, on va y aller tout de suite. Je dirais qu'on avait toute une émission aujourd'hui et ça en a été toute une à date. Donc, parle-nous football canadien. Parfait, pas de problème. Dans le fond, je vais faire un récapitulif. Oui? En tout cas, une revue de la dernière semaine. Là. Désolé, hein. C'est pas facile. J'ai la manche pas mal amochée à cause de ma game de rugby, fait que j'ai de la misère à parler. L'athlète a de la misère le matin? Ouais, on a des athlètes maganés hein, ce matin. Toi, la mâchoire, JS Breton avait l'œil assez arraché aussi ce matin. Et puis, Luc Giroux dort. Alors, ben oui. ben oui. Et nous, sous le signe du plaisir. Et oui, on s'est amusé. Désolé, matin. Les gars, si je suis pas. 100% là, oui, je vais faire de mon possible. Vas-y, vas-y. Donc, je vais faire une revue de la dernière semaine. Là. Il y a eu 3 matchs. On a eu une surprise. Je vais parler du match entre les Gators et les Stingers qui s'est terminé par la marque de 18 à 17 pour les Gators. Ben, de plus en plus, je commence à me demander si c'est une surprise ou si les Gators sont à prendre très au sérieux. Oui, semaine après semaine. Ben, c'est dans les deux cas, tu as raison, Nicolas. Premièrement, les Stingers qui manquent leur gros joueur, Robert Mackay, ouais. Manquent énormément à l'équipe. Morsing est un très bon carrière, sauf que Robert Mackay, c'était le gros joueur clé de l'offensive des Stingers, donc sont plus ou moins menaçants là, depuis qu'il s'est blessé pour la saison. Sinon, les Gators, s'améliore vraiment gros. Est-ce que la venue de Benoît Groulx a fait une différence, après toi? Je ne sais pas si c'est ça ou si c'est... Écoute, Leroy Blue aussi, qui est un bon entraîneur, mais écoute, les Gators sont maintenant classés 8e au Canada. Depuis quand on a vu un classement comme ça du côté de Lennoxville? Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Peut-être bien que Larry Smith était là. Oh, je sais pas, là. Ah, ça fait très longtemps. Je me souviens pas là, d'avoir vu ça. En tout cas, pas dans les dernières années. Ouais, c'est là. Ça. Fait un petit bout. Depuis, honnêtement, depuis que je suis ça, là, je pouvais pas te dire avant, là, mais il fait longtemps qu'on n'a pas vu les Gators aussi performants. Donc, dans le match, ça a été surtout un match de batteur, là, faut dire. T'as Maverley du côté des Bishop, puis Paradise du côté de Concordia, qui ont marqué 27 des 35 points, dont un placement en fin de match avec 20 secondes à jouer, qui a donné la victoire aux Gators, qui jouaient à Loyola College. Donc, un excellent match défensif de ce côté-là. Donc, comme je disais, Robert MacKay, son absence commence à se faire sentir, mais ça, c'est pas bon pour les prochaines années. Là. Est-ce qu'on aurait une relève du côté de Concordia? Je pense que ça va être travaillé du côté de l'équipe pour les prochaines semaines à venir, là, peut-être dans le recrutement, trouver un carrière, peut-être d'aller du côté francophone. Tu as tout le temps des excellents carrières du côté de, par exemple, je parle dans le 3A, tu as Vanier, tu as le Vieux-Montréal. Même dans le 2A, tu as des excellents carrières. Je pense que faudrait tourner la page à ce niveau-là. Sinon, dans les autres matchs qu'il y avait à l'affiche, t'as le Vert et Or qui ont perdu 23-7 contre le Rouge et Or et les Carabins qui ont battu facilement les Redmen 24-11. Sinon, dans les matchs à venir... Ouais. Ben là, je trouve ouais. Le match le plus intéressant de la fin de semaine va être entre Montréal et Bishops. Oui, parce que c'est ça, là. On aurait pu penser que le Rouge et Or Stingers, une confrontation existante à toutes les années, allait être le match de la semaine, mais là, c'est ça, là. Les Gators sont tellement surprenants cette année... est-ce qu'ils vont surprendre les Carabins, surtout que les Gators jouent à domicile? Je penserais pas. Sauf qu'en même temps, ils ont battu Concordia, qui était quand même une équipe très solide défensivement. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, ben non, je pense que t'as raison là-dessus. Avec l'avantage du terrain en plus. Oui. Je sais pas, mais je pense que ça va être... Montréal arrive avec une meilleure équipe, à la base. Mais c'est devenu le match du week-end par la force des choses. Fait qu'en fait, on sait pas non plus comment Bishop va réagir, c'est ça, face à ça. Puis ça pourrait être tout un match. Ça pourrait être toute une surprise encore parce la semaine prochaine. La seule défaite de Bishop, c'était en ouverture de calendrier contre Concordia, 17-14, qui était une très bonne performance. Est-ce que Bishop a pris t'as embarqué ses rails, puis là, sont partis vraiment pour la gloire, ou du moins pour une très bonne fin de saison. Je pense que c'est le match qu'on va le savoir, là. Oui, ça va être le match test, là, je pense. Ouais. Puis, ça va être intéressant, parce que là, la semaine prochaine, j'en parle tout de suite, ça va être la Coupe du Maire. Oui! L'excellent duel à toutes les années, Sherbrooke-Bishop, qui se bataille pour la Coupe du Maire. Donc, s'ils veulent être prêts pour ce match-là, je pense que les Carabins, ça va être un très bon test. Malgré que Sherbrooke sont pas forts cette année, là. Sinon, dans les autres matchs, ben, justement, Sherbrooke rencontre les Redmen à McGill. La troupe d'André Bauduc aura pas le choix de l'emporter, là, s'ils veulent au moins avoir une deuxième victoire, là. Les Redmen qui sont 0-4. C'est le match de la semaine à Radio-Canada. OK. Oui, 13h, Radio-Canada. C'est même sur en webcast, c'est quoi en français? En diffusion... Internet, diffusion multimédia. Balado diffusion? Non, avec l'image. Sur le site de Radio-Canada, donc les gens qui seraient au travail... Diffusion en direct sur Internet, dans le fond? Oui. OK. C'est bon. Donc, comme je disais, le Vaillant n'a pas bien le choix de gagner là, s'ils veulent se sortir de leur torpeur. Ça regarde assez mal cette année, mais là, les Redmen, je pense que... Écoute, t'as eu une fiche de 0-4, 68 points marqués contre 134. Écoute, je veux pas dire que c'est dans la poche. Si Sherbrooke l'échappe, celle-là, ça va mal aller. C'est un échec, là, vraiment. Ouais. Ouais. Sinon, les Stingers contre le Rouge et Or. Stingers sont amochés. Je pense pas qu'ils gagnent contre le Rouge et Or. Surtout qu'ils jouent contre au dangereux Peps de Laval. Non, ça, je suis pas très inquiet pour ce match-là. Ça devrait pas. Ça devrait aller du côté des Québécois. Sinon, finalement, le classement, les Carabins qui sont premiers avec 4 victoires. Les Gators sont deuxièmes avec 3 victoires. Sauf qu'ils ont un match de jouer de plus que le Rouge-Or. Donc, c'est pour ça qu'on les met en avant. Okay. Troisième Laval, quatrième Concordia, cinquième Vaillard et finalement les Redmen qui n'ont pas encore connu la victoire cette année. D'accord. Sinon, football universitaire américain. Ah non, mais on va aller à une pause avant. Parfait, ça dérange pas. Problème. C'est bon, donc on s'en va à la pause. Au retour, on continue de parler football et on soit Gabriel Lavallée pour parler de XMF3, les combats ultimes à Trois-Rivières. Vous écoutez le contenu de partie sur C'est fou. C'est fou, ça. Ça va bien. 89.1. J'ai un œil tweet, moi, hein. La plus petite affaire, puis je vous sors de la game. Je veux du jeu propre, je veux pas de troupe, puis je vous suspends tweet, moi. Écoutez l'hymne national! L'inconduite de partie. I see tonight will be made up from origami. Tell the fellas, make it understood. It ain't no good if there's too much wood. Make sure you know before you go. The dance floor rojo ratio 5-1 is a rodeo. Test even like it's time to go. Wait outside all night till 5:20. Dudes in a conga line. Too many dicks on the dance floor. Easy to fix. Too many dicks on the dance floor. Spread out the dicks. Too many dudes with too many dicks. Too close to my shit, too hard to meet chicks. I need better odds, more broad, less rods. Too many men, too many boys, too many misters, not enough sisters, too much time on too many hands. Not enough ladies, too many men. Not enough ladies, too many men. Not enough ladies, too many men. Too many men, too many men. C'était Too Many Dicks on the Dance Floor du groupe Flight of the Conchords. Une tune très entraînante ce matin. Vraiment, j'adore dire que c'était au palmarès. Premier au palmarès. Flight of the Conchords, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe humoriste qui avait une émission de TV sur HBO, si je ne me trompe pas, aux États-Unis. Très, très drôle. Donc, HB. Oui. On continue avec le football. Yes. Donc, trois matchs à l'affiche cette semaine dans la NCAA football aux États-Unis. Trois matchs que j'ai retenus dans le top 25, là, qui risquent d'être excellents, qui vont également sûrement jouer à la télé sur les zones de CBS en fin de semaine. On a tout d'abord Texas contre Oklahoma, qui est vraiment là, le duel de la semaine. Oklahoma devrait gagner, d'après moi, sur Texas. Ils ont tellement un bon jeune carrière entre Garrett Gilroy que je pense qu'il pourrait l'emporter. Ça va peut-être, ça serait pas une surprise, mais... entamer un gros match. Là. Texas qui sont 21e grâce à leur défaite. Donc, sont pas mal meilleurs que leur classement l'indique. Sinon, Wisconsin qui aspire aux grands honneurs cette année contre les surprenants Michigan State. Oui, les ben, équipes sont 4-0. Ben oui, c'est un peu surprenant. Wisconsin, peut-être, on les voyait peut-être un petit peu là. Peut-être même pas autant que ça, mais Michigan State qui, écoute... Écoute, dans mes revues du début de l'année, Michigan State était classé 46e. Oui, c'est ça. Puis là, c'est ça, là, son 4-0, on a battu des très bonnes équipes. On a battu Notre-Dame de façon dramatique en fin de match. Oui. Écoute, celle-là, c'était, pour ceux qui n'ont pas vu ça, allez sur YouTube. En prolongation, on tente le, bon, le format de prolongation dans la Ligue, dans la NCAA, c'est le même type que dans la Ligue canadienne de football. On doit réussir pas une transformation, mais un placement pour égaler la marque, aller en deuxième ronde. Ben non, Michigan State font un fake, une feinte, et c'est réussi avec une magnifique passe dans la zone de début. Une passe de quoi, 30 verges à peu près? 30, oui. 40 verges? C'était vraiment, c'était beau. Là, c'était beau. Ouais, non, c'était vraiment beau. Puis les Michigan peuvent être fiers de la date qu'ils ont faite cette année. Donc, Wisconsin, une grosse équipe cette année, son 11e. Je pense qu'ils vont gagner, sauf malgré que les Spartans jouent à domicile. Donc, toujours une bonne foule à Michigan State. Sinon, tu as Stanford, Oregon, sont les équipes respectivement 4 et 9e, donc un bon match défensif du côté des deux équipes. Quelques nouvelles à retenir rapidement. On a déjà parlé souvent de Boise State qui avait un terrain bleu. Oui! Hey, ben, t'as-tu écouté le match à la télé? Non, j'ai pas eu le temps. Écoute, de travailler. Je trouve ça très plaisant samedi soir. Le match du samedi soir à ABC, souvent on va y aller avec les gros programmes, mais je pense que c'était une première, on y est allé avec le Boise State contre, j'ai un blanc, c'était contre qui? Oregon State, ouais c'est ça, Boise State contre OSU, et vraiment de voir toute l'équipe d'ABC se déplacer en Idaho, à Boise, et d'aller couvrir un match-là, parce que écoute, disons-le, ils ont travaillé fort pour se rendre où ils en sont présentement. Oui. Donc, trouvez ça le fun de voir le gazon bleu, là, t'en parlais. Là, c'est ça, le fameux gazon bleu. Là. Écoute, il y a un des anciens élèves d'Oregon State qui est comme méga riche. Bref, il a payé à l'équipe un terrain de pratique. Ils l'ont peinturé bleu pour ce match-là. Non. Oui, c'est vrai. Non, c'est trop, là. Je peux pas tolérer ça, là. Écoute, les Broncos de Boise State sont une séquence de 57 victoires à domicile. Imbattable. Imbattable sur la turf bleue. Écoute, c'est débile. Fait que donc, c'est ça, là. Il y a un ancien élève, là, un alumni, qu'on dit en anglais, là, qu'il a sorti son portefeuille. Puis les gars, je veux vous battre cette équipe-là. Donc, pas son nom, là, mais en tout cas... Honnêtement, là, on jase, on niaise, là, mais ça peut-tu vraiment être un facteur? Ben... Parce que là, t'es quand même 57-0 à domicile, là. C'est sûr que aussi Boise State sont extrêmement dominants dans la conférence, dans la Western Athletic Conference. D'ailleurs, ils s'en vont dans la Mountain West l'an prochain, mais... Oui, t'es dominant, mais en effet, c'est assez surprenant. Je ne sais pas si ça peut être un facteur. Parce mais... qu'ils n'ont pas le plus gros stade non plus de la... Ben, ils rénovent à toutes les années. Ouais, là. C'est ça. Il est rendu 35 000 personnes. Ouais, j'ai c'est loin, entendre, le Michigan, Penn State, le Rose Bowl. Donc, écoute, c'est la foule, c'est pas un facteur. Mais les joueurs, je sais pas si vous les avez vus à la télé, mais ils sont très durs à voir. Oui, parce qu'ils sont bleus, ils sont aussi. Bleus. Donc, leur équipement au complet est bleu. Donc, c'est définitivement, je pense, un avantage, surtout quand tu gagnes 57 matchs consécutifs à domicile. Donc, Oregon State, qui malheureusement ont perdu là, le match. Donc, c'est la petite nouvelle cocasse de la semaine. Là. Dans les autres nouvelles, t'as Robert Moore, le carrière de Purdue, oui. Qui était comme le Sidney Crosby du football à Miami, avait signé là, gros potentiel, finalement ça s'est avéré un Angelo Esposito, là, il a été transféré finalement à Purdue depuis qu'il avait connu les mauvaises saisons à Miami, s'est blessé dans le fond au ligament intérieur, donc fini pour la saison, ça va attendre encore à l'année prochaine pour voir si son potentiel peut éclore un jour. Il y a aussi Appalachian State. On se souvient, on a déjà battu les gros clubs. Vont sûrement s'en aller en division 1. Ah, c'est fait pour eux. On s'en va dans le football, football ball conference. Après 3 championnats nationaux dans la division 2, ils se sont rendus compte que oui, ils veulent évoluer. Donc, je ne sais pas encore. Pourquoi pas le ACC? Ben écoute, c'est difficile de commencer dans le SEC là, en partant. Je verrais peut-être plus dans la Conference USA. Parce que c'est ça, là, géographiquement, ils peuvent pas aller partout. Non. C'est ça, non, là, mais ils ont certaines options. Je pense qu'ils peuvent aller dans le Big 12. Je pense qu'ils peuvent aller dans la conférence USA. Peut-être dans la ouais, peut-être la MAC un peu, là. Mais sinon, parce que SEC, là, tu commences fort, là. Pas facile de commencer là pour un programme, là. Donc, Appalachian State, je pense que c'est une bonne nouvelle pour eux. Un programme en essor. Je pense pas que ça soit, je pense pas qu'on peut comparer ça à Boise State, sauf que, écoute, chaque année, ils causent des surprises, puis ils ont une excellente équipe. Je leur souhaite juste de pas commencer dans la Sun Belt. OK. Qui écoute, qui des petits programmes pas très, très bons de Louisiana State. Mais qui apporte quand même des revenus intéressants pour ces équipes-là. Oh, ben c'est sûr, écoute, la plus petite, l'équipe qui a fait le moins d'argent l'an dernier dans la NCAA a quand même engrangé des profits de 8 millions. Donc, c'est pas mauvais. C'est acceptable. Finalement, l'Université de Washington, qui va jouer au Coors Field en 2012, le stade des Seahawks de Seattle dans la NFL, on sait que quelques années, c'était l'inverse. Ouais. Les Seahawks qui avaient joué au Husky Stadium pendant la construction du Coors Field. Donc, je sais pas si vous avez déjà vu ce stade-là à la télé. Très impressionnant. Les Seahawks sont durs à battre à domicile. Donc, ça va être intéressant pour les Huskies de jouer là. Puis, ils vont avoir un stade tout neuf, rénové. Donc, c'était les nouvelles de la semaine. Ben, je te remercie beaucoup, JP. Pas trop. Allez, on s'en va en musique. On va aller écouter la chanson Martin Priorité avec la chanson « Les gars sur le plancher de danse ». On continue dans la même trame que la dernière chanson. Au retour, on a Gabriel Lavallée ici avec nous qui va nous parler de XMF3. Vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Woo! c'était des gars sur la piste de danse avec le groupe Martin Priorité. Donc, c'est excellent comme band. J'aime ça. Ça roule. Hey, on parle maintenant à Gabriel Lavallée, XMF 3, c'est cette fin de semaine, samedi, ça, demain soir plutôt, à la bâtisse industrielle, à côté du Colisée de Trois-Rivières, dans le fond. Gabriel, ça va ressembler à quoi comme spectacle? Un gros show, c'est ma plus grosse carte ever. On trouve Jason Desmarais, très connu, beaucoup de combats de boxe, un gars très explosif, qui est connu sur la carte de combat extrême, surtout depuis la dernière année. On a Anthony Monplaisir qui a réussi à remporter le titre de champion canadien des poids super lourds de la UMF à Sherbrooke, qui a malheureusement perdu son titre il y a deux semaines contre la même personne. C'était un rematch, puis il l'a perdu. Fait que, c'était à Sherbrooke, ça, ou c'était... Oui, c'était à Sherbrooke. Okay. Fait que Anthony Monplaisir va combattre, ça, c'est sûr et certain. Puis il a perdu la dernière fois, là, c'est sûr qu'il ne reperdra pas parce que c'est un gagnant, il est vraiment bon. On a Alexandre Arsenault de Jonquière qui est invaincu dans la XMF, qui est champion canadien des mi-moyens. On a aussi Éric Daigneault de Longueuil qui est champion des poids super légers. Un gars très explosif, un bon lutteur, bon boxeur, bon kicker, un bon Muay Thai. Très, très impressionnant. Très, un peu de tout, là, vraiment. Léger, là. C'est ça. On a aussi Tommy Bellemare qui est invaincu. Champion de la XMF encore, il a jamais été battu, il est poids mi-lourd, et puis mi-moyen, pardon, et puis très explosif, des bons kicks, il revient de 3 KO en ligne, très dur à booker parce que les gars ils ont peur de lui, il gagne tout le temps, fait que ça, il est plus tough à booker. Éric Desfossé, ouais. Qui va se battre contre un Indien de Chibougamau qui s'appelle Mathieu Konishish. Un gars de 5 et 10, 240 livres, juste du muscle. Wow. Un gars qui a une bonne boxe, un bon wrestling. Ça va être un bon combat. Deux fighters, un peu style street. Le fait qu'il est fait en paquet de même, qui est plus petit, mais très massif, il doit se battre sur une catégorie de poids plus... Oui, exactement, c'est la catégorie des super lourds. Donc, c'est à partir du 205 livres. Ça vient-tu lui nuire un peu, ou, d'après toi? Pas dans sa catégorie. Non, OK. Parce que les gars sont pas mal tout aussi mobiles. Tu sais, okay. Dans cette catégorie, ils ont à peu près toute la même mobilité. Mais c'est sûr que quand quelqu'un arrive dans cette catégorie-là qui est très agile, il y a moins de puissance, il y a moins de force, mais d'habitude, ça donne des bons résultats. Okay. Un peu comme Anthony Monplaisir, qui n'est pas paquet, qui n'est pas un paquet de muscles. Il n'y a pas beaucoup de muscles, au contraire, mais je vous avertis, c'est une machine, puis les paquets de muscles, mais je pense que ça lui fait pas peur. Avec raison, d'ailleurs. Austin Jardine, qui était censé être mon adversaire, qui est un de mes élèves. Ouais, c'est sûr et certain que le but, c'était de pas combattre contre Austin. J'essayais de me trouver mon adversaire. Donc, j'avais réussi à trouver Hugo Beauchemin, un champion de taekwondo, champion du monde de taekwondo, un gros boxeur expérimenté, une vingtaine de combats de boxe, quinzaine de KO en ligne, jamais perdu. Un gros adversaire striker stand-up. Il a pas voulu m'affronter, malheureusement. Il s'en allait faire les championnats du monde en kickboxing en Écosse. Puis moi, ça, je trouvais ça plate parce que tu sais, c'est sûr que lui, il a pas beaucoup de sol. Moi, le sol, c'est beaucoup ma force. Fait que je savais que je pouvais gagner ce combat-là très facilement. À le mettre à terre, là. C'est ça, aller chercher beaucoup de notoriété de par son expérience. Puis je le comprends de pas avoir accepté parce qu'il aurait perdu, c'est sûr. J'ai réussi aussi à avoir Leslie Dubuisson, un gars de Montréal. Il entraîne le Muay Thai au Team Orion. Ça fait une couple de fois que je l'invite. À date, il a voulu une fois, ça n'a pas donné. Il m'a réinvité, ça n'a pas donné. Je l'ai réinvité. Là, il s'est blessé, il veut plus se battre. C'est pas grave, j'ai trouvé un adversaire, il vient de Sherbrooke, il s'appelle Jordan Turcotte. Jamais fait de combat de boxe, jamais fait de combat de kick, aucun combat de jiu-jitsu. Ça fait environ 2 ans qu'il fait ça. Il y a une fiche d'environ une vingtaine de combats. Quelques défaites, mais une bonne fiche quand même. Ça va donner un bon combat. Il est un peu plus lourd que moi. C'est la première fois que je vais combattre dans la catégorie des 185. Tu montes de poids ou? Oui, moi, j'étais un gars qui combattait dans le 135. Oh boy, OK. Après ça, j'ai combattu dans le 145. Ensuite, dans le 155 en professionnel. Ensuite, j'ai combattu un petit peu avant, pardon, à 165. Et là, je passe 20 livres over de la catégorie la plus lourde que j'ai combattue. Fait qu'on parle de 50 livres de plus que mes premiers combats. Tu fais comment pour monter de même là, d'un 30 livres avec ta catégorie actuelle? On mange, on mange, on mange. On s'entraîne, on mange, on mange, on mange. la bonne vieille méthode, là. Finalement. Yes, ben tu sais, c'est pas trop faire attention à ce qu'on mange non plus pour prendre du poids, parce que, tu sais, on se cache pas, il n'y a pas de secret, hein. Faut en manger du gros pour prendre du poids. Ouais, ouais. Puis ça me fait bien parce que j'ai jamais eu autant d'énergie. C'est bon. Je pensais que sur les régimes, sur les gros cuts d'entraînement, j'aurais pu avoir plus d'énergie, mais au contraire, j'ai jamais été autant énergétique, j'ai jamais eu autant de cardio, jamais eu autant de puissance, autant d'explosion. Puis le transfert de poids, je vous en parle pas, c'est impeccable. Là, vous en êtes à votre troisième événement. Quelle progression tu vois au niveau de la compagnie, je peux dire, de la ligue par rapport au premier événement? C'est à tous les niveaux, que ce soit au niveau marketing, que ce soit au niveau des combats, des bookings, des teams de l'extérieur, tout est de plus en plus facile à faire, puis tout est de plus en plus gros. Qu'on parle de l'assistance, ça grossit tout le temps, qu'on parle de l'équipement sur place, comme le visuel qu'on va avoir, le montage d'effets spéciaux va être écœurant. On a une genre de grosse arène qu'on monte par-dessus le ring. C'est un gros échafaudage avec des stroboscopes, des moving lights là-dessus, des speakers. Ça va être hallucinant. J'ai jamais eu un aussi gros montage. Les commanditaires aussi, c'est de plus en plus facile. C'est sûr que l'expérience rentre dans le corps avec le temps. Puis l'évolution, on la voit, mais on va plus la voir au courant de l'hiver parce qu'on se prépare probablement un combat vers l'Arena Bionest en février. Ah ouais, c'est bon, ça. C'est intéressant, ça. On parle peut-être 10 000 personnes, si on est capable, ça ferait être possible. Là, fait que... En terminant, juste rappeler aux gens, c'est où, c'est quand, combien ça coûte à l'assister à ça? Oui, c'est la Extreme Mixed Fighting, la troisième édition. Ça se passe à la bâtisse industrielle du terrain de l'Expo, le terrain du Grand Prix de Trois-Rivières. C'est samedi, ça commence à 7h30. Les billets sont 25$ en pré-vente. Les billets VIP sont à 45 en pré-vente. On a aussi des tables à 500$ pour 8 personnes, première rangée. À 400$, deuxième rangée, encore pour 8 personnes. Et à 300$, la troisième rangée. Une gang a goût de faire un party entre 8 chums. Là. Ça peut être le fun, ben, une table. C'est vraiment bon parce que dans le fond, les billets à l'entrée vont être à 30$. Puis une table à 300$, ça vient à 36$ et quelque chose, quelques cents par personne. Fait qu'on parle de 7$ de plus pour une table. Ça fait une place pour mettre nos consommations. Hey, en plus, tu as été super fin. Tu nous as donné 3 paires de billets qu'on va pouvoir faire tirer. Donc, les gens qui... si vous voulez gagner des billets, écrivez-nous. Pas les... Écoute, premier arrivé, premier servi. Hein, moi, je ne fais pas de rien là-dessus. Donc, live à commercial inconduite de partie.com. Je répète, live à commercial inconduite de partie.com. Premier arrivé, premier servi, des bons billets pour cet événement qui va être très prometteur. Je te remercie beaucoup, Gabriel. Right, merci beaucoup, M. Champ. Puis juste noter qu'on a un party ce soir, party back to school. Ça va se passer à la bâtisse industrielle du Colisée. Ça va être un gros party, un défilé de collégiennes, concours mix XMF, même des combats dans la boue. Les filles vont se battre dans la boue, ça va être écœurant. On a des DJ, ça va durer toute la nuit. Les consoles sont à 2$ jusqu'à 11h30. Manquez pas ça, ça finit à 3h. Ça va être un party malade. On va être présent, on va avoir du fun. Et c'est ce qui conclut l'inconduite de partie pour cette semaine. Pour JP Grenier, Jonathan Bernier, Philippe Doucet, je suis Nicolas Duchamp. Passez une belle semaine.